Cette aisance dans l'affranchissement des conjoints malheureux a pour résultat de donner au ménage qui dure une grande apparence d'irréprochabilité, ainsi qu'aux nouveaux ménages qui se forment après la rupture des premiers. Les unions mal assorties n'ont vraiment aucun motif de se prolonger. Ce n'est certes pas l'idéal, mais on finit, en y regardant de près, par constater que cette souplesse de la législation ne crée pas une société malsaine. Hommes et femmes s'y habituent à refaire leur existence quand ils l'ont manquée, ouvertement, franchement, ce qui vaudra toujours mieux que l'organisation du mensonge, si habituel chez nous, et qui dégrade à la fois le mari, la femme et l'amant. Mais peut-être les uns et les autres trouveraient-ils la solution des États-Unis cruellement incommode dans sa soi-disant commodité. Avec cette porte sur la liberté, porte demi-ouverte, et qu'elle n'a qu'à pousser d'un geste, comment la jeune femme, déjà si faite, si complète, si énergiquement dressée, à vouloir et à agir, oui, comment s'assouplirait-elle à la discipline du compagnon que le mariage lui a donné? Indépendante elle était avant, indépendante elle reste après. Je veux dire pensant par elle-même, dirigeant sa vie d'après ses idées, et continuant à développer sa personne avec ce même parti pris qui était déjà le sien, sans se modeler sous l'empreinte et d'après les idées de son associé. Voilà le vrai mot de ce mariage. Non pas toujours, mais bien souvent, c'est une association mondaine, où l'homme apporte pour capital son travail et son argent, la femme sa beauté, son art de s'habiller et son talent de recevoir. Les enfants arrivent, qui chez nous sont la question vitale d'un ménage, sa ruine définitive ou son salut. Il n'en va pas ainsi en terre anglo-saxonne. L'idolâtrie du père et de la mère, qui explique la famille française, ses mollesses, la division égale des héritages, sa chaleur aussi et sa solidarité, cette idolâtrie un peu morbide mais si tendre est remplacée en pays anglais ou américain par une vigilance plus molle et plus froide, qui ne remue pas les fibres profondes du cœur, ou du moins qui les remue d'une autre vibration. Mes amis français d'ici sont très sévères sur ce point. Ils prétendent que la grossesse est tout d'abord dissimulée avec soin par la jeune femme qui en rougit, comme d'une fonction bestiale, presque humiliante, et qu'il faut cacher. Il me cite comme très caractéristique ce mot d'une vieille dame qui se serait écriée en apprenant qu'une de ses jeunes amies venait d'accoucher de deux jumeaux. « Que c'est vulgaire !»« How vulgaire !» Il me nomme telle ou telle personne de la société qui a passé des 6 mois d'affilée en Europe sans s'inquiéter de ses enfants, laissés aux soins de parents ou d'amis. J'ignore si des abandons pareils sont l'exception ou s'ils sont la règle. Et surtout, je ne crois pas beaucoup aux anecdotes. En histoire, elles sont toutes fausses, en littérature, toutes calomnieuses, et quand il s'agit de la vie sociale, presque toutes chargées, sans la nuance individuelle qui explique l'anomalie et sans les circonstances qui la justifient. Je crois davantage aux statistiques, et celle des divorces me paraît plus concluante. Des pères et des mères que leurs enfants ne rapprochent pas ne les aiment guère. Et d'autre part, si l'éducation directe de l'enfant, par ce père et par cette mère, était très fréquente, l'initiative individuelle du jeune homme et de la jeune fille ne serait pas ce qu'elle est. Si le mariage américain est surtout une association, il semble bien que la famille américaine soit surtout un compagnonnage, une sorte de campement social, dont le lien, quand il est étroit, l'est surtout par l'effet de sympathie individuelle, comme entre personnes qui ne seraient pas du même sang. Je suis sûr, non point d'après des anecdotes, mais par expérience, que l'amitié de frère à frère ou de sœur à sœur est ici tout élective. Il en est de même des relations de père à fils et de mère à fille. Un de mes jeunes compatriotes, très amoureux d'une jeune fille de New York, me disait dans un de ces moments où la froideur d'une femme que l'on aime vous exaspère jusqu'à la plus cruelle lucidité. Elle a si peu de cœur qu'elle est allée au théâtre 5 semaines après la mort de sa mère, et personne ne s'en est indigné. J'ai su que le fait était exact, mais que prouvait-il? Que prouve aussi cette inégalité des partages, que la liberté de tester introduit dans la distribution des legs? Rien d'autre sinon que notre sensibilité n'est pas la même que celle des gens de ce pays. Ils ont beaucoup moins de dons d'eux-mêmes, beaucoup plus de réactions individuelles, et surtout une volonté plus forte. Cette volonté s'exerce sur leur cœur comme elle s'exerce sur leur cerveau. Cela nous paraît moins tendre. Sommes-nous bons juges? C'est cette dissociation constante de la vie de famille qu'il faut se rappeler sans cesse, pour comprendre un peu l'espèce de célibat d'homme, si l'on peut dire que la jeune femme continue de garder en Amérique à travers le mariage. Pas plus dans cette seconde période de sa vie que dans la première, l'amour ne joue chez elle ce rôle prépondérant qui nous semble inséparable à nous autres de la destinée féminine. Quand une Parisienne de 40 ans jette un regard en arrière, c'est l'histoire de ses émotions que son souvenir lui raconte. Pour une Américaine du même âge, c'est le plus souvent l'histoire de ses actions, de ce qu'elle appelle d'un mot que j'ai déjà cité, ses expériences. Elle a eu, entre ses 18 et ses 25 ans, une conception de sa propre personne, qui ne lui était imposée ni par ses traditions, elle n'en a pas, ni par les enseignements de ses parents, ils ne lui en ont point donné, ni même par sa nature. Car le propre de ces intelligences, si facilement adaptables, c'est que l'instinct premier y est informe et indéterminé. Elles sont comme un blanc que la volonté se charge de remplir. Ce que cette volonté y a inscrit y est tracé en lettres qui ne s'effaceront pas. De l'action, encore de l'action et toujours de l'action. Telle est la devise, inconsciente mais constante, de cette femme. Qu'elle recherche une situation mondaine, ou qu'elle ambitionne une culture artistique, qu'elle se livre aux choses du sport, ou qu'elle organise des classes, comme elles disent, pour lire entre amis Browning, Emerson ou Shakespeare, qu'elle voyage en Europe, aux Indes, au Japon, ou qu'elle reste chez elle à faire verser, to power, par une jeune fille de ses amis, des tasses de thé, soyez certain qu'elle agit sans cesse, qu'elle agit toujours, qu'elle agit infatigablement dans le sens de son raffinement ou de son excitement. De quel accent ces femmes prononcent l'un et l'autre de ces deux mots qu'il ne faut pas se lasser de reprendre, car ils résument peut-être toute l'âme américaine. Il passe et repasse dans la causerie, comme les deux formules où se révèle l'obsession de cette créature, qui, née d'une race rude et se sentant fine, se veut plus fine, encore plus fine, qui grandit en pleine démocratie, se veut aristocrate, encore plus aristocrate, qui, fille d'une terre d'entreprise, aime à exaspérer encore chez elle cette sensation des nerfs trop tendus. À en voir ainsi 10, 15, 30, 50, le caractère d'excentricité que vous leur aviez trouvé d'abord, par comparaison avec l'européenne, s'abolit. Un type nouveau de séduction féminine se révèle à vous, moins attendrissant qu'irritant, énigmatique et un peu ambigu. Par le mélange indéfinissable de grâce souple et de fermeté virile, par l'alliance de la culture et de la vigueur, de la nervosité la plus vibrante et de la santé la plus vaillante. La véritable place de cette créature dans cette société vous apparaît aussi et la raison profonde pour laquelle ces hommes, eux-mêmes, toute action, laissent ces femmes agir de la sorte, avec cette totale indépendance. S'il est permis d'appliquer un vieux terme administratif à des êtres aussi subtils, aussi délicats, ces femmes sont, dans cette civilisation utilitaire, les déléguées au luxe. Elles ont pour mission d'y apporter ce que l'Amérique n'a pas le temps de créer et qu'il veut avoir, la fleur de l'élégance, un peu de beauté et, pour tout dire, de l'aristocratie. Elles sont la noblesse de ce pays d'affaires, et une noblesse qui se développe par la continuation même de ses affaires, puisque l'argent qui se gagne dans les bureaux aboutit à elles, et sous leurs mains, il se transfigure, il s'épanouit en décorations précieuses, il s'intellectualise en caprices d'esprit, il se désutilise enfin. Un grand artiste, l'un des premiers de l'époque par l'ardeur de sa recherche, la conscience de son étude et la sincérité de sa vision, John Sargent, a rendu ce que j'essaie d'exprimer dans le portrait d'une de ces femmes, dont j'ignore le nom et que j'ai vu dans une exposition. Un de ces portraits comme les maîtres du XVe siècle en ont peint, qui derrière l'individu atteignent le pays et derrière le modèle tout un monde. Elle pourrait, cette toile, tant elle est représentative, s'appeler l'idole américaine. La femme est debout, les pieds rapprochés, les genoux collés, dans une pose presque hiératique. Son corps assoupli par l'exercice est serré, comme moulé dans une gaine noire. Des rubis luisent sur ses souliers noirs, comme des gouttes de sang. Sa taille mince est prise dans un collier d'énormes perles, et de cette robe, qui fait un fond intensément sombre, au minéral éclat des bijoux, les bras et les épaules ressortent avec un autre éclat, celui d'une chair de fleur, une blanche et fine chair, où court un sang fouetté sans cesse par le grand air de la campagne ou de l'océan. La tête, intelligente et audacieuse, avec une physionomie d'avoir tout compris, a comme auréole le dessin vaguement doré d'une de ces étoffes de la Renaissance que les Vénitiens appellent soprarisso. Les bras arrondis, où les muscles se devinent à peine, se rejoignent par les mains unies, des mains décidées, aux pouces presque trop longs, et qui doivent conduire quatre chevaux avec la précision d'un cocher anglais. C'est l'image d'une énergie, invincible à la fois et délicate, au repos en ce moment, et il y a de la Madone byzantine dans cette face, aux grands yeux ouverts. Oui, c'est une idole, et pour le service de laquelle l'homme travaille, qu'il a paré de ses bijoux de reine, derrière chaque fantaisie de laquelle il y a des jours et des jours passés dans Wall Street en plein combat. La frénésie des spéculations autour des terrains, les villes entreprises et construites à coups de millions de dollars, les trains lancés à toute vapeur sur des ponts d'une envergure d'arche de Babel, le grincement des cars à câbles, le frémissement des cars électriques qui courent le long de leurs fils avec un crépitement et une étincelle, la montée vertigineuse des ascenseurs dans les bâtisses à 20 étages, les immenses cultures de blé de l'Ouest, ses ranchs, ses mines, ses colossaux abattoirs, le formidable travail enfin de ce pays d'efforts et de lutte. Tout son travail, voilà ce qui a rendu possible cette femme, cette orchidée vivante, chef-d'œuvre inattendu de cette civilisation. Et le peintre lui-même ne lui a-t-il pas dévoué le trésor de son long, de son acharné labeur? Pour être capable de cette toile, il a dû s'assimiler un peu de la fougue des maîtres espagnols, surprendre la finesse des grands Italiens, connaître et pratiquer les curiosités de l'impressionnisme, rêver devant les icônes des basiliques de Ravenne, et lire et penser. Oui, que de culture, que de réflexion, pour pénétrer jusqu'au fond le plus intime de sa propre race. Il a exprimé de cette race un des traits les plus essentiels, la divination de la femme, considérée non plus comme une Béatrice, ainsi qu'à Florence, non plus comme une courtisane, ainsi qu'à Venise, non plus comme une énigme, ainsi qu'à Milan, mais comme une suprême gloire de l'énergie nationale. Cette femme peut ne pas être aimée, elle n'a pas besoin d'être aimée, ce n'est ni la volupté ni la tendresse qu'elle symbolise. Elle est comme un objet d'art vivant, une savante et dernière composition humaine qui atteste que le Yankee, ce désespéré d'hier, ce vaincu du vieux monde, a su tirer de ce sauvage univers où il fut jeté par le sort toute une civilisation nouvelle, incarnée dans cette femme-là, son luxe et son orgueil. Tout s'éclaire de cette civilisation au regard de ses yeux profonds, où le peintre a su faire tenir ce qui est l'idéalisme de ce pays sans idéal, ce qui sera sa perte peut-être, mais qui jusqu'ici demeure sa grandeur, la foi absolue, unique, systématique et indomptable dans la volonté.